بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، louons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés avec ces rencontres. Et frère Allah Azza wa Jal, vous n'êtes pas sans savoir les dégâts de la fitna, et que beaucoup s'y trouvent à cause de leur ignorance. C'est pour ça que nous allons passer cette séance et l'autre qui suit, peut-être même la troisième séance, autour d'une conférence de Cheikh Al-Fawzan, son éminence Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, intitulé « La compréhension de la religion, c'est une protection de la fitna ». La compréhension, le fait de comprendre sa religion, est un moyen de se protéger, le plus grand des moyens pour se protéger du fitan. يقول حفظه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. Il dit حفظه الله تعالى louange à Allah le souverain du monde et la prière et les salutations sur notre prophète Muhammad qui a été envoyé comme clémence pour le monde, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui se sont cramponnés à sa sunna, qui ont pris sa voie jusqu'au jour de la résurrection, de la rétribution. Amma ba'd, ceci dit, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna alayna bil islam. Et il dit, et ceci dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés avec l'islam. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Il dit حفظه الله تعالى, en commençant cette conférence qu'il avait fait en présence de son éminence Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى, il commence avec ce verset dans sourate Al-Imran, le verset 102 à 105, « Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. » Et ici, taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir de ses interdits avec preuve, en espérant la récompense minallah ou en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou comme il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, taqwa, qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit lui obéir, on ne doit pas lui désobéir, et on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas l'oublier, on doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, on ne doit pas être ingrat. Ô vous qui avez cru préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et nous mourrez qu'en étant soumis à Allah, qu'en étant muslim, et cramponnez-vous à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala tous, et ne vous divisez pas, et ne vous divisez pas, et rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous étiez des ennemis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié vos cœurs et vous êtes devenus par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, des frères. Et auparavant, vous étiez sur une pente qui va vous amener vers le châtiment, vers le feu. Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvé. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous montre vos signes pour que vous soyez guidés et que parmi vous doit exister une communauté et un groupe qui appelle vers le bien, qui ordonne le bien, qui blâme le mal et qui l'interdit. Et ceux-là, ce sont ceux qui réussissent. Ce sont ceux qui ont réussi. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves leur sont arrivées. Ceux-là, ils auront un énorme châtiment à l'islam. Donc tu vois, frère en Allah, Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, leur donne, dans ce verset avec lequel Cheikh il a commencé, le fait de préserver les droits d'Allah et de s'éloigner de ses interdits et de se cramponner à sa religion et de rester cramponné à cette religion jusqu'à la fin de sa vie. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré comment le moyen pour accomplir cet taqwa qu'il a ordonné, qui est le fait de s'unir tous sur la religion d'Allah et qu'on ne se divise pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons nous rappeler, Allah nous rappelle ces bienfaits, comme quoi on était, avant l'envoi de Muhammad alayhi salam, les Arabes et beaucoup de tribus arabes étaient dans la perte, étaient sur le pont d'arriver vers le feu de l'enfer. Allah, il les a enlevés, il les a sauvés de ce feu de l'enfer par l'envoi de ce messager alayhi salatu salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aussi qu'il doit exister parmi nous une communauté qui appelle vers le bien, un groupe qui appelle vers le bien et qui ordonne le bien et qui blâme le mal. Ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi. Nous ne devons pas être comme les autres, qui ont reçu l'épreuve et ils se sont divergés. Ils ont divergé sur l'épreuve et ils se sont divisés dans la religion d'Allah. Ceux-là auront l'énorme châtiment. Wa yaqul al-shaykh subhanahu hafidhahullah wa qala subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et il ramène un autre verset. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et je vous agréer l'islam comme religion. Regarde, frère en Allah, Azza wa Jal, le verset que cite Cheikh ici. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Et une fois que la religion a été parachevée, qu'est-ce qui est arrivé après? Le bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est arrivé après. Il est après le parachevement, après que la religion soit parachevée. C'est-à-dire une religion complète et avec laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, comble sa communauté à la communauté musulmane avec les bienfaits. Et je vous agrée l'islam comme religion. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna ad-din 'inda Allah al-islam. Et là, il est dit dans notre verset, certes la religion chez Allah, c'est l'islam. Et dans notre verset, wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et dans notre verset, celui qui cherche autre chose que l'islam comme religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera pas de lui et dans le delà il sera parmi les perdants. Wa qala ta'ala wa jahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahima millata abikum ibrahima huwa sammakum al-muslimina هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Il est dit dans le verset que cite Cheikh ici, et faites des efforts comme il se doit pour arriver au but. Faites des efforts dans la religion d'Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit pour arriver au but. Car Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi, vos autres musulmans, il vous a choisi l'islam. Il vous a choisi un islam dans lequel il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de difficulté, qui est la voix de votre père Ibrahim, qui vous a appelé les musulmans, à dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé les musulmans auparavant, dans les livres qui sont connus, qui ont été révélés chez les autres prophètes, avant Muhammad alayhi salam. Et pour que le messager soit un témoin sur vos actes, sur vous, vos bons et mauvais actes, il soit un témoin sur vos bons et mauvais actes, et que vous soyez des témoins sur les gens, c'est-à-dire que vous soyez des témoins parce qu'Allah il a fait de cette communauté, la communauté musulmane, une communauté du bien et une communauté du juste milieu, pour qu'ils attestent et qu'ils témoignent que les messagers ont transmis à leur communauté ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé. Et il a ordonné tout de suite après, il a dit, et accomplissez la prière, et acquittez-vous de la zakat, et cramponnez-vous, c'est-à-dire, hein, cherchez refuge auprès d'Allah, et faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est votre allié. Et quel bon allié, et hein, quel bon allié qui a le triomphe et qui fait triompher, hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul, inna ni'mata al-islam ni'matun la ya'diluha shay'un min an-ni'am al-ukhra wa in kanat ni'amullah 'azimatan la tuhtaqar wa la tustasghar bal yajibu an tudhkara wa tushkara walakin ni'mata al-islam hiya 'azamu an-ni'am al-islam alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit hafidhahu Allah ta'ala, les bienfaits de l'islam n'ont pas d'égal par rapport aux autres bienfaits. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont géants, sont énormes. On ne doit pas les rabaisser, on doit les prendre en considération. Et on doit parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le bienfait de l'islam, c'est le plus géant des bienfaits. L'islam avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son message Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نعمة عظيمة، لأنه هو الذي بين هذا الإسلام وجاء به ودعا إليه. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيه الله سبحانه وتعالى Le fait qu'il ait envoyé ce messager alayhi salam, Muhammad alayhi salam, est un des grands bienfaits. Car ce messager alayhi salam, c'est lui qui a éclairé les gens sur l'islam, et qui a ramené l'islam, et qui a appelé les gens vers l'islam. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a comblé les croyants. Parce qu'il a envoyé un messager d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils connaissent son arbre généalogique, sa famille, etc. Pour leur réciter les versets d'Allah, pour les purifier, et leur apprendre le livre, et la sunna, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement clair. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ولكن هناك صوارف وعوارض تعرض للإنسان قد تخرجه من هذا الإسلام إن كان من أهله أو تضعفه في قلبه أو تصده عن الدخول فيه إن كان ليس من أهله. Il dit حفظه الله تعالى, mais il y a des choses et des obstacles qui rencontrent l'être humain, qui vont peut-être le sortir de l'islam s'il fait partie des gens de l'islam, ou alors qu'ils vont faiblir l'islam dans son cœur, ou alors ils vont l'empêcher d'y rentrer s'il n'est pas encore, s'il ne fait pas partie des gens de l'islam. يقول هناك فتن عظيمة تعرض للإنسان فيجب عليه أن يكون على معرفة بها وعلى حذر منها كما يجب عليه أن يعرف ما هو المخرج منها إذا ابتلي بها. Il dit حفظه الله تعالى, il y a beaucoup de fitnas, il dit fitnas très énormes que rencontre l'être humain, donc il doit les connaître, il doit faire attention à ces fitanes, comme il doit connaître l'issue pour sortir de ces fitanes s'il est prouvé par les fitanes. يقول ومن هنا كان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أقع فيه. Partant de là, le noble compagnon حذيفة بن اليمان, que الله سبحانه وتعالى l'agré, disait, les gens ils posaient des questions au messager d'Allah sur le bien, et moi je lui posais des questions sur le mal pour ne pas y tomber. يقول الشيخ الفوزان متع الله به وطال عمره في طاعته فمعرفة الإسلام أولا والتبصر فيه ومعرفة أحكامه وتفاصيله أمر واجب. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, la connaissance de l'islam, premièrement, et le fait d'avoir une clairvoyance sur l'islam, et de connaître les lois de l'islam, et les détails de l'islam, les détails de l'ordre, les détails des obligations. ثم أيضا معرفة ما يصرف عنه ويحول بين العبد وبينه. Il le fait aussi de connaître après ce qui va nous détourner de l'islam et ce qui va être une barrière entre le serviteur et l'islam. أو ما يضعفه في قلبه من الآفات ou ce qui va le faiblir dans son cœur. فيعرف المنافع ويعرف المضر. L'être humain doit connaître les bienfaits, doit connaître ce qui fait mal aussi. من أجل أن يأخذ بالمنافع ويتجنب المضر. Pour que il met en application les bienfaits et il évite ce qui va lui faire du mal. فإنه إذا لم يعرف الأمور الضارة والأمور المضللة ربما تهلكه وهو لا يدري. Parce que s'il ne connaît pas les choses qui font mal, les choses qui vont l'égarer, les choses qui sont égareuses, ils vont le faire périr, il ne le sait pas, ils vont l'amener vers sa perte et lui il ne le sait pas. والله جل وعلا أمرنا أن نتمسك بهذا الدين إلى الوفاة. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et Allah سبحانه وتعالى nous a ordonné le fait de nous cramponner à cette religion jusqu'à la mort. Et il a dit nous mourrez qu'en étant soumis à Allah, qu'en étant muslim. يقول ولا شك أن البقاء على الإسلام بيد الله سبحانه وتعالى فنحن لا نملك أن نبقى على الإسلام لأن نموت وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. Il dit حفظه الله تعالى il n'y a aucun doute que le fait de rester sur l'islam est entre les mains d'Allah et nous on ne possède pas que nous allons rester sur l'islam. On ne sait pas si on va et on ne possède pas les situations dans les mains. On ne sait pas si on va mourir sur l'islam. Mais tout ceci entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ولكن معنى هذا أننا نأخذ بالأسباب التي تسبب البقاء على هذا الإسلام إلى الموت. Il dit, mais cela veut dire c'est que nous devons utiliser les moyens qui vont nous permettre de rester sur l'islam et dans l'islam jusqu'à la mort. الأسباب الواقية فإذا أخذنا بالأسباب فإن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله يتمم علينا نعمته ويتوفانا على الإسلام لأننا بذلنا الأسباب وسعينا في النجاة والله جل وعلا حليم كريم إذا رأى من عبده حرصا على الخير ورغبة فيه وبغضا للشر وخوفا منه فإن الله سبحانه وتعالى يسدده ويقيه ويحميه ويسلم له دينه ويتمم له بخير. Il dit حفظه الله تعالى nous devons prendre les moyens qui vont nous permettre de rester dans l'islam jusqu'à notre mort, les moyens qui vont nous protéger. Parce que si on utilise les moyens et on les met en application par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous combler. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire mourir sur l'islam car nous avons utilisé les moyens, nous avons fait ce qui était dans nos possibilités et nous avons cherché le fait d'être sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, il est clément, il est doux. Quand il voit que son serviteur tient au bien, et il a envie du bien, et qu'il déteste le mal, et qu'il a peur du mal, Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplit sur le chemin, il le protège, hein, et il lui fait épargner sa religion du mal, et il est comblé par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما إذا رأى من عبده إعراضا وعدم رغبة في الخير وعدم كراهية للشر فإن الله سبحانه وتعالى يوليه ما تولى عقوبة له وعدلا منه سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala voit que son serviteur se détourne, il n'a pas envie du bien et il ne déteste pas le mal, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'alliance avec les choses avec lesquelles il a cherché alliance. Pas par châtiment à cette personne et par justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, celui qui prend une autre voie que la voie du messager après avoir reçu l'épreuve et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché. Allez, il s'est allié et sa demeure sera le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise demeure! فصار السبب من قبل العبد يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين السبب من قبله والعقوبة من الله سبحانه وتعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et il dit, donc dans ces cas-là, la cause vient du serviteur. Il a pris un autre chemin que le chemin du messager. Et il a suivi un autre chemin que le chemin des croyants, dont la cause vient des serviteurs et le châtiment vient min Allah. Nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera le feu de l'enfer. يقول الشيخ حفظه الله والفتن جمع فتنة والفتنة معناها الامتحان والابتلاء ليظهر بذلك الإيمان أو النفاق. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الفتنة الفتن c'est le pluriel d'une fitna. الفتنة ça veut dire les épreuves, l'examen, pour qu'apparaisse la véracité, qu'apparaisse la foi, apparaisse l'hypocrisie. Et il est dit dans le verset dans sourate Al-Ankabout, l'araignée, il est des gens qui disent nous avons cru en Allah, ils comptent, ils subissent des épreuves dans la religion d'Allah, on les frappe, on les insulte, pour qu'ils se détournent de leur religion, ils mettent à pied d'égalité l'épreuve subie, qu'ils subissent de la part des gens, la fitna qu'ils subissent de la part des gens, comme le châtiment d'Allah. فلا يصبر عند الفتن ليثبت على الحق. Il ne patiente pas, il ne endure pas devant la fitna pour rester ferme dans la vérité. وإنما يفر من دينه ويطاوع للصوارف يظن أنه بذلك ينجو. Mais au lieu de patienter sur la vérité et de être ferme dans la vérité, il se sauve de sa religion. Il suit les obstacles et les épreuves. Il croit qu'en agissant ainsi, il va être sauvé et qu'il est sauvé. Mais de là, il est sorti d'un mal pour tomber dans un énorme mal. Il a fui la fitna des gens pour tomber dans quelque chose de pire. Comme celui qui se protège dans un endroit chaud du feu. Ça lui sert à rien, l'endroit il est déjà chaud. Il s'en protège avec le feu. Ja'ala fitnata an-nas ka'adabillah. Il a mis les perturbations des gens et la fitna des gens comme le châtiment d'Allah. Wa hal fitnatu an-nas tu'adilu 'adab Allah? Est-ce qu'ils sont égaux? Ils sont à pied d'égalité, la fitna des gens et le châtiment d'Allah. Yaqul innahu idha taraka dinahu وتجاوب مع الفتانين وطاوعهم خرج الى عذاب الله. Il dit حفظه الله تعالى, s'il laisse sa religion, il répond à ce que veulent les fitanistes, les gens de la fitna, il les suit, donc il est sorti vers le châtiment d'Allah, il s'est orienté vers le châtiment d'Allah. ولو انه صبر على اذى الناس وصبر على اذى العباد وتمسك بدينه لكان هذا الالم الذي يلاقيه مؤقتا والفرج قريب والعاقبه حميده ولكنه بالعكس لم يصبر على اذى الناس وفتنه الناس بل اطاعهم في معصيه الله واجابهم الى ما سالوا من الكفر بالله فصار الى عذاب الله المؤمن المؤلم. Il dit, et s'il avait patienté sur le mal qu'il subit de la part des gens, s'il avait enduré sur le mal que lui font subir les gens, et il est resté cramponné à sa religion, cette douleur qu'il subit, et ce mal qu'il subit va être temporaire. Et la délivrance est proche. Et la bonne fin. Et la fin sera louée. Et il aura une bonne fin qui sera louée. Mais là, c'est le contraire. Il n'a pas patienté sur le mal des gens. Il n'a pas patienté. Il n'a pas enduré. Il n'a pas patienté face à la fitna des gens. Il les a suivis. Il leur a obéi dans la désobéissance à Allah. Et il leur a répondu à ce qu'ils lui ont demandé. Hein, comme mécréance en Allah. Et dans ces cas-là, il est allé vers le châtiment douloureux. يقول فالفتنة هي الابتلاء والامتحان ليظهر بذلك الصادق في إيمانه الثابت على عقيدته من المذبذب المزعزع الذي تعصف به أول عاصفة من الفتن. الفتنة c'est l'épreuve, c'est l'examen pour qu'apparaisse le véridique dans sa foi, celui qui est ferme dans sa aqida, de celui qui est ébranlé, qui ne tient pas debout, hein? Celui qui part avec le premier vent qui arrive, il le bascule. Le premier vent, la première tempête d'une fitna, il le secoue, il le fait tomber. يقول وأما الفقه في الدين فالفقه لغة الفهم وشرعا الفهم في أحكام الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et quant à la compréhension de la religion, le fiqh, la jurisprudence de la religion, le fiqh, c'est le fait de comprendre. Et au niveau de la langue, au niveau de la législation, c'est comprendre les lois d'Allah Azza wa Jal qui sont dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager alayhi sallam. Là maintenant, après cette introduction, cheikh, il t'explique le titre de sa conférence, qui est الفقه في الدين عصمة من الفتن. La compréhension de la religion, c'est une citadelle de protection contre la fitna. Et c'est une protection contre la fitna. يقول لأن الله أنزل هذا القرآن وأنزل السنة النبوية هدى للناس فيها الهدى وفيها بيان كل شيء مما يحتاجه العباد في أمور دينهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ضمن الله هذا الكتاب كل ما يحتاجه البشر فيه الكفاية وإلى جانبه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول المبينة للقرآن المفسرة للقرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Il dit, Habibullah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce Coran, il a descendu la sunna prophétique comme guidée pour les gens. C'est une guidée. Et dans la sunna, il y a l'éclaircissement de toutes choses, de ce qu'ont besoin les gens, dans la situation de leur religion, et ce qui va leur prévaloir le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a fait contenir dans le livre tout ce qu'ont besoin les humains. Et dans le livre, il y a, c'est suffisant, hein, tout ce qui est concerne, qui va faire le bien et dont ont besoin les gens, il est dans le livre d'Allah. Et à côté de ce livre, il y a l'éclaircissement du messager alayhi sallallahu alayhi sallam, qui est la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi sallam, qui nous éclaire, qui nous explique le Coran, qui est l'interprétation du Coran. Et il dit dans le verset, nous avons descendu la révélation pour que tu éclaires les gens sur ce qui leur a été descendu. فالرسول مبين ومبلغ ومفسر لهذا الكتاب العظيم فالكتاب والسنة فيهما الهداية من الضلال وبيان طريق الخير وطريق الشر. Et Cheikh de nous dire, le messager alayhi salatu wasalam nous éclaire, est un éclaireur, il a éclairé, il nous éclaire et il a transmis, et c'est un transmetteur. Et il a interprété ce livre géant. Et donc le livre et la sunna, dedans se trouve la guidée de l'égarement. Dedans, il y a l'éclaircissement sur la voie du bien et sur la voie du mal. يقول فالفقه في الدين هو أن نعقل ونفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ما يعرض لنا من المشكلات وما يعرض علينا من الفتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة. هذا هو الفقه. والله آه تعالى أمر بالفقه في الدين وذم الذين لا يفقهون. Et donc, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le fiqh de la religion, ce que nous devons comprendre. Hein? Le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi salam. Nous devons comprendre du livre d'Allah et de la sunna du prophète, les problèmes devant lesquels on se retrouve. Et nous devons exposer au livre d'Allah les problèmes que nous rencontrons, ainsi que les fitanes que nous rencontrons, pour qu'on les évite, et qu'on prenne le chemin pour être sauvé. Ça, c'est la compréhension de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait de comprendre sa religion, et il a blâmé ceux qui ne comprennent pas leur religion. قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى dans ce verset, il nous montre que les croyants n'ont pas à sortir tous vers le combat. Et il dit dans le verset, si un groupe parmi eux est sorti pour aller comprendre la religion, et pour ensuite revenir avertir les leurs, pour qu'ils fassent attention. ووصف المنافقين بأنهم لا يفقهون يعني لا يفهمون أحكام الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يريدوا ذلك ولم يلتفتوا إليه ولم يهتموا به فصاروا لا يفقهون. الله سبحانه وتعالى ذكر aussi les hypocrites comme quoi ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les lois d'Allah parce qu'ils ne le veulent pas et parce qu'ils ne se sont pas tournés et ne lui ont pas donné l'importance. Ils sont devenus partant de là des gens qui ne comprennent rien à la religion d'Allah. يقول والفتن كثيرة وتكثر وتعظم وتتجدد في آخر الزمان الفتن كثيرة والإنسان يعيش الفتن كل حياته ولكن مقل ومستكثر والله سبحانه وتعالى أخبر أن المال والأولاد فتنة قال تعالى Et les fitanes des chers sont nombreuses et les fitanes ne cessent d'augmenter à la fin des temps et de se renouveler et de venir avec un nouvel aspect. Fitanes sont nombreuses et l'être humain doit vivre avec durant toute sa vie. Il y a certains qui vivent beaucoup de fitna, d'autres qui vivent peu de fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans le Coran que l'argent, les enfants, c'est une fitna. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Il est dit dans le verset, certes, votre fortune, vos enfants, c'est une fitna. Et Allah a une énorme récompense. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Il est dit dans l'autre verset, ô vous qui avez cru, que votre fortune et vos enfants ne vous détournent pas de l'invocation d'Allah et du rappel d'Allah, et celui qui le fait, celui-là sera parmi les perdants. فالأموال والأولاد فتنة من آثر حب المال وحب الولد وحب البلد وحب العشيرة وحب التجارة وحب المساكن على محبة الله ورسوله فليرقب أسوأ النتائج. Et donc, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, la fortune, les enfants, c'est une fitna. Celui qui met en avant l'amour de l'argent, l'amour des enfants, l'amour du pays, l'amour de la tribu, l'amour des compagnons, l'amour du commerce, l'amour des maisons, il met ça au-dessus de l'amour d'Allah et de son messager, qu'il s'attend à la pire des fins et au pire des résultats. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Il est dit dans le verset, dit, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, vos tribus, vos compagnons, votre fortune que vous avez amassée, votre commerce duquel vous avez peur que la faillite ne l'atteigne, Et les maisons que vous agréez sont mieux, ils sont plus aimés de vous qu'Allah et son messager, et qu'un combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez-vous alors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez-vous alors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. يقول فالأولاد فالأموال والأولاد فتنة والزوجة فتنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم il dit حفظه الله تعالى l'argent, les enfants c'est une fitna, la femme c'est une fitna. Il est dit dans le verset, où vous qui avez cru, il est de vos femmes et de vos enfants des ennemis à vous, faites attention à eux. لا تؤتلوا محبتهم على محبة الله ورسوله لا تؤتلوا طاعتهم على طاعة الله ورسوله لا تنشغلوا بهم عما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى احذروا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الشيخ de nous dire l'interprétation de ce verset, ne faites pas prévaloir l'amour de vos femmes, de vos enfants, de votre fortune au-dessus de l'amour d'Allah, vous ne le mettez pas au-devant de l'amour d'Allah et de son messager. Ne mettez pas en avant l'obéissance à la femme, aux enfants, etc. Ne mettez pas leur obéissance, ne leur obéissez pas, hein? Et mettez pas leur obéissance devant l'obéissance à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Ne vous préoccupez pas avec la fortune, la femme et les enfants, hein? Ne vous préoccupez pas par eux, et vous délaissez les choses qui vous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faites attention, car il est dit dans le verset, où vous qui avez cru, il est de vos femmes, de vos enfants, des ennemis à vous. Faites attention à eux. يقول ليس معنى هذا احذروهم انكم تعادونهم وتبتعدون عنهم وتقاطعونهم. لا. Il dit, et faites attention à eux, cela ne veut pas dire que vous devez les prendre comme ennemis. Et vous éloignez d'eux, et vous coupez d'eux, et coupez vos relations, etc. Il dit non. معناه أنكم تحذرون فتنتهم وتحذرون الانحياز معهم إذا تعارضت محبتهم مع محبة رسول الله محبة الله ورسوله بل قدموا محبة الله ورسوله على محبة الأولاد والأولاد وحينئذ يصلح الله لكم الأموال ويصلح لكم الأولاد. Il dit, حفظه الله تعالى, cela veut dire que vous devez faites attention à leurs perturbations, qu'ils ne vous perturbent pas. Et vous devez faire attention, ne pas pencher pour eux, vers eux, quand leur amour s'oppose à l'amour d'Allah et à l'amour de son messager. Vous devez mettre en avant l'amour d'Allah et de son messager, au devant l'amour de votre fortune, de vos enfants. Et dans ces cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre bien, il va fructifier, il va mettre le bien dans votre fortune, et il va aussi faire que vos enfants soient dans le bien. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. Il est dit dans le verset, où vous qui avez cru, il est de vos femmes, de vos enfants, des ennemis à vous, vous devez faire attention à eux. Et si vous pardonnez et hein, vous excusez et vous pardonnez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur, il est le clément. Certes, votre fortune, vos enfants, c'est une fitna. Et chez Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'énorme récompense. Préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala selon vos capacités et comme vous le pouvez. يقول حفظه الله الواجب على المسلم في هذا الموقف أن يتقي الله ما استطاع ولا يقدم محبة زوجته إذا تعارضت مع محبة الله أو محبة ولده أو محبة ماله إذا تعارض ذلك مع ما يحبه الله عز وجل بل يقدم ما يحبه الله عز وجل وبذلك يصلح الله له ماله ويصلح له زوجته ويصلح له أولاده. Il dit, حفظه الله تعالى, il est obligatoire aux musulmans à ce niveau-là qu'il doit préserver Allah subhanahu wa ta'ala selon ses capacités. Il ne doit pas mettre en avant l'amour de sa femme quand il s'oppose à l'amour d'Allah, ou l'amour de ses enfants, ou l'amour de sa fortune quand il s'oppose avec les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, mais il doit mettre en avant ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala va faire que sa fortune va être bonne, sa femme va être bonne, ses enfants vont être bons. يقول الخير والشر فتنة قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Et Cheikh de nous dire, le mal et le bien c'est une fitna. Il est dit dans le verset, nous vous éprouverons avec le mal et le bien comme fitna, comme épreuve, et vers nous vous allez revenir. الخير الذي هو المال والغيث والخصب والنعم والشر الذي منه الابتلاء والامتحان والقحط والجوع والمرض هذا كله فتن تعرض على الإنسان. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Il dit, Habidallah Ta'ala, le bien, qui est la fortune, qui est la pluie qui tombe, qui est la fertilité de la terre, qui sont les bienfaits. Le mal, hein, qui est l'épreuve, qui est l'examen, qui est la chécheresse, qui est la famine, qui est la maladie. Il dit, tout ça, ce sont des fitanes qui s'exposent à l'être humain, qui sont devant, qui viennent devant l'être humain, qui sont exposés, auxquels est exposé l'être humain. Il dit, il dit dans le verset, nous allons vous éprouver avec le mal et le bien, comme fitna, et vous allez revenir vers nous. وكذلك الطاعة والمعصية فتنة والإنسان يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية تعرض له الطاعة يأتي وقت الصلاة والعبادة ويأتي وقت اللذة والأكل والشرب والاستمتاع وغير ذلك فأيهما يقدم هذا ابتلاء وامتحان ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم لبعض فتنة قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا إلدي حفظه الله تعالى لبي L'obéissance et la désobéissance, c'est une fitna. L'être humain lui demande d'obéir et lui interdit. Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit la désobéissance. Donc il se trouve dans l'obéissance. L'heure de la prière arrive, l'heure de l'adoration arrive, et aussi il y a le repas qu'il a, la boisson qu'il a, les plaisirs qui sont là et autres. Qu'est-ce qu'il va mettre en avant? Ça c'est une épreuve, ça c'est un ibtila, ça c'est un examen. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que les gens, les uns sont une épreuve pour les autres. Et nous avons vu que certains sont l'épreuve des autres. Est-ce qu'ils vont patienter ou pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, votre souverain voit tout. فالناس يبتلي الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي المؤمن بالمنافق يبتلي عباده بعضهم ببعض قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض إيه les gens الله سبحانه وتعالى éprouve les gens par d'autres gens. Il éprouve le croyant par le mécréant. Il éprouve le croyant par l'hypocrite. Il éprouve ses serviteurs les uns les autres. Il est dit dans le verset, et si Allah le voulait, il aurait triomphé, il aurait triomphé sur eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns les autres, pour vous éprouver les uns par les autres. وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. Il est dit dans l'autre verset, nous avons fait que certains sont une épreuve pour les autres. Est-ce que vous allez patienter? فالمؤمن والمسلم يبتلى بأعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة يتجلى موقفه منهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو الاستسلام والإخلاص إلى الراحة. Et le croyant et les musulmans sont éprouvés par les ennemis d'Allah, par les mécréants, par les hypocrites, par les désobéissants, pour que apparaisse clairement ses positions devant la da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala, devant le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal, devant le fait de combattre pour Allah ou pas, devant le fait de se soumettre et d'aller vers le repos et vers le confort. فإن كانت الأولى وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كان على خير ونجح في الامتحان. Ici, il penche vers la première, qui est le fait d'appeler vers Allah, d'ordonner le bien et de blâmer le mal et de combattre pour Allah, il est dans le bien et il a réussi son examen. Wa in kanat thaniya wa il istislam wal ikhlad ila ar-raha wa adam ta'arrud lin nas wa hum ala sharrihim wa adam da'watihim ila Allah wa adam al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa adam al-jihad fi sabilillah inma istaslama wa akhlada ila ar-raha kanat al-khasarah wal ikhfaq fi al-imtihan qala ta'ala wa ja'alna ba'dakum li ba'd fitna. Et il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, ici c'est la deuxième, il se soumet au repos, à son confort, et il va pas vers les gens, et il laisse les gens dans le mal dans lequel ils sont, il les appelle pas vers Allah, il leur donne pas le bien, il blâme pas le mal, il combat pas sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Dans ces cas-là, il a perdu à l'examen. Il n'a pas réussi. Il a perdu la grande perte. Il n'a pas réussi dans l'examen. Et il cite le verset, nous avons fait que certains sont l'épreuve d'autres. Certains sont une fitna pour les autres. كَذَلِكَ يَبْتَلِي الْغَنِي بِالْفَقِيرِ. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala éprouve le riche par le pauvre. قَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ إِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بأعلم بالشاكرين. Il dit, et ainsi, il cite le verset où les riches sont éprouvés par les pauvres et le noble est éprouvé par celui qui ne l'est pas. Et ainsi, nous avons éprouvé certains par d'autres pour qu'ils disent, est-ce que cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont de plus que Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés parmi nous? Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ceux qui sont reconnaissants. Yaqul al-Shaykh, pour l'interprétation de ce verset, al-kuffar yahtaqiruna fuqara al-muslimin. Il dit, les mécréants dénigrent les pauvres des musulmans. Wa yaqulun ahaulai man Allahu alayhim bimaynina min baynina. Ils disent, est-ce que cela Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés parmi nous, d'entre nous, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés d'entre nous? Haulai nas fuqara laysa biyadihim shay كيف يكونون هم على الهدى ونحن على الضلال. Ils disent, cela ce sont des gens pauvres, comment ils ont rien entre les mains, comment ils peuvent être sur la guidée alors que nous sommes dans l'égarement? نحن أهل المال ونحن أهل الثورة ونحن أهل الرئاسة وأهل الرأي وأهل الحل وأهل العقل وأولى فقراء مساكين. إيه ومع هذا يزعمون أنهم خير منا وأنهم هؤلاء من الله عليهم بميننا من بيننا. إيه ils disent, nous sommes les gens qui ont l'argent, qui ont la fortune. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui sommes les gens de l'opinion, les gens, les spécialistes des situations. Ceux-là, ce sont des pauvres, ce sont des nécessiteux. Et malgré tout ça, ils prétendent qu'ils sont mieux que nous, et qu'ils sont. Et le verset, il dit, Ahaula imanallahu alayhim bimbeinina. Est-ce que cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a comblés d'entre nous? Yaqulullahu ta'ala, alaysa Allahu bi'alama bishakirin. Allahu jalla wa ala, la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Et la suite du verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala sait ceux qui sont reconnaissants. Et Allah, et le Cheikh de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas vos images, ne voit pas votre fortune, mais il voit vos cœurs et vos actes. فالفقير الشاكر المؤمن بالله الراغب في الخير هذا هو ولي الله عز وجل. Et le pauvre reconnaissant, croyant en Allah, qui a envie du bien et qui aime le bien, celui-là c'est l'allié d'Allah. أما المستكبر والمتعالي على الحق الذي أعجب بماله ونفسه وجاهه ولم يقبل الحق فهذا لا يساوي عند الله شيئا وإن كان يساوي عند نفسه شيئا كبيرا فإنه لا يساوي عند الله شيئا. Et quant à l'orgueilleux qui est à hautain vis-à-vis des gens, et que c'est l'orgueil devant la vérité, et qui est imbu, et qui est imbu par son argent, par son ego, par sa situation, qui n'accepte pas la vérité, celui-là il vaut rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est pour lui, il est quelque chose, il ne vaut rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى هؤلاء من الله عليهم بميننا يعني هؤلاء حصلوا على الهداية دوننا وهم بهذه الحالة من الفقر والفاقة والحاجة نحن أعز منهم ونحن أكبر منهم هذا بزعمهم et il dit dans le verset est-ce que cela Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés d'entre nous c'est-à-dire que ceux-là ont eu la guidée alors que nous on ne l'a pas eu alors qu'ils sont pauvres alors qu'ils sont nécessiteux et nous ne sommes plus nous sommes plus honorables qu'eux nous sommes plus grands qu'eux c'est ce qu'ils prétendent يقول الشيخ لأن المقاييس عندهم مقاييس الغنى والثروة والجاه وليست مقاييس القلوب والأعمال أما المقاييس عند الله سبحانه وتعالى فهي القلوب والأعمال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Pourquoi ceux-là prétendent ceci, ces mécréants, riches, etc., orgueilleux ? Parce que les repères pour eux, ce sont la richesse, ce sont les situations dans la société, et non pas les repères, les choses qu'il y a dans le cœur comme acte. Et les repères chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a dans les cœurs, ce sont les actes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde vos cœurs et vos œuvres. Il dit dans le hadith, Wallahu jalla wa ala yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Walakin la yu'ti hada din illa liman yuhib. Qala ta'ala wa kathalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyakulu ahaula imanna allahu alayhim min baynina. Et cher de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala donne ce bas monde à ceux qu'ils aiment, à ceux qu'ils aiment et ceux qu'ils n'aiment pas. Mais il ne donne cette religion, il ne guide vers cette religion que ceux qu'il aime, Azza wa Jal. Et il est dit dans le verset, ainsi nous vous avons éprouvé les uns par les autres. Pour que ceux-là ils disent, est-ce que ceux-là ont été comblés par Allah subhanahu wa ta'ala d'entre nous? Et nous allons arrêter là pour la première séance d'aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum jazakumullahu khairan.